you. Il est 5h54, soyez les bienvenus sur Énergie, c'est mardi. Waouh, déjà la deuxième émission de la saison. Eh oui. Le temps passe vite. Ah ouais. Oui, c'est que la deuxième. Oui, bon, pas non plus exagéré. Oui, bah, j'aime bien m'emballer pour tout et n'importe quoi. Nous sommes mardi, c'est le 30 août 2016 aujourd'hui. Santé s'il vous plaît tout le monde. Vous le sentez? Le mardi, ce 30, ouais, il est là, ils sont bons. C'est le week-end. Mais qu'on est con, évidemment, le mardi. Ah putain, faites un effort, bordel. 5h55, on commence l'émission dans 5 minutes, mais comme chaque jour. Ou peut-être que vous ne le savez pas, peut-être que c'est la première fois que vous arrivez et que vous nous écoutez à 5h55. C'est le club du 555, le club de ceux qui n'attendent pas 6 heures pour se réveiller. Non, à 5h55, on est déjà là, on est déjà tous debout avec vous. Il y a Oriane, oui. Il y a Nico du Web, salut. Il y a Glandu et il y a vous. Il y a vous avec nous à 5h55. Et qu'est-ce qu'on fait dans le club du 555? Il y en a qui font de la pole dance, il y en a qui bougent leurs fesses, il y en a qui se brossent les dents et il y en a qui écoutent un titre. Oui. Tous ensemble, on écoute un titre à 5h55. Un titre parfois qu'on n'a pas l'habitude d'écouter, un vieux titre, un nouveau titre. Et là, j'avais aujourd'hui, dans le club du 555, envie d'écouter un titre avec un mec dont le nom est imprononçable. Ah, bah c'est bien, okay. Tu te fais du mal dès le matin. Bah, il y a un an, il avait sorti un titre et c'était assez galère de le dire à chaque fois, je bafouillais. Donc je me suis dit, tiens, vengeance, je vais le refaire aujourd'hui. Ok. Martin Tunkepag. C'est ça? Oui, en chantant bien, oui. À peu près. Non mais là, tu nous l'as chanté comme une nana bourrée à 5h, c'est ça? Oui, Wonderland, c'est parti, c'est pour vous. C'est happy, c'est bien ça. Ouais, c'est cool. C'est frais, ça démarre la journée. On est mardi, c'est le 30 août. Bienvenue sur Energy. I've been thinking about wrong, I've been thinking about right. I just wanna thrive, I don't wanna fight. I don't wanna fight. Can you see the flickering lights? Baby, put your glass up in the air with me. Lay. With you in your wonderland, as I cross in the real. C'est de la trompette, c'est du saxophone. Je dirais saxo, du saxo. Ouais. Ouais. En tout cas, c'est pas de la guitare. Voilà. Ou alors le mec joue très très mal. Il est pile 6h sur Énergie. Bon réveil. C'est Manu dans le 6-9, on est là. Bienvenue dans ce mardi 30 août 2016, vous voulez venir avec nous? Eh ben n'hésitez pas, le téléphone est là pour vous et c'est gratuit, 0 870 42 48, n'hésitez pas à venir avec nous, il y a aussi Twitter, hashtag Manu dans le 6-9, il y a Facebook, facebook.com/Manu dans le 6-9, il y a Snapchat, bref, autant de bonnes raisons de rien foutre aujourd'hui, de rester avec nous. On va écouter Kungs, ça arrive pour vous dans 5 minutes. Il est bon ce con, hein? Ah ouais. Très bon. Il est bon. Tout de suite, c'est les infos sur Énergie. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Du grand beau temps sur la France ce mardi. Soleil, ciel bleu pour tout le monde ou presque. Cet après-midi, ça va se dégrader en fait uniquement sur les Alpes et la Côte d'Azur avec l'arrivée de gros orages dans le sud-est. Les prochains jours se présentent très bien également avec une météo estivale au menu. Les températures sont assez chaudes mais ça reste raisonnable. 24 degrés à Calais, 27 à Auxerre, comptez 27 aussi à Montauban cet après-midi. Trois jours avant les élèves, la ministre de l'Éducation a fait sa rentrée hier. Elle a présenté les grands enjeux de l'année scolaire 2016-2017. Concernant le développement du numérique en classe, 5/4 des collèges du pays seront équipés de tablettes ou d'ordinateurs. Une bibliothèque en ligne ouvrira demain. Elle fournira gratuitement des contenus pédagogiques aux profs et aux élèves du CM1 jusqu'à la 3e. Enfin, mauvaise nouvelle pour les chasseurs de Pokémon rares. Les petits personnages du jeu devraient être bannis des établissements et des cours de récré. Dans l'actu également, les familles le souhaitent depuis très longtemps. Un hommage national sera rendu aux victimes de l'attentat de Nice commis le 14 juillet lors du feu d'artifice. François Hollande a donné son accord hier. Ce moment de recueillement aura lieu sur la promenade des Anglais d'ici un mois maximum. Rendez-vous le 7 septembre. Apple a lancé hier les invitations pour sa grande conférence de presse de rentrée. Dans une grosse semaine, on devrait en principe découvrir l'iPhone 7, mais aussi une nouvelle version de l'Apple Watch, la montre connectée de la marque à la pomme. Le téléphone devrait abandonner sa prise casque traditionnelle. En foot, la fin annoncée d'un long calvaire pour les supporters de l'OM. Après des mois de doutes et de rumeurs, le club marseillais devrait être vendu avant la fin de l'année. Le repreneur est américain, il a été présenté officiellement hier. Frank McCourt, riche homme d'affaires, a fait fortune dans l'immobilier. Il a aussi passé quelques années à la tête des Dodgers, l'équipe de baseball mythique de Los Angeles. Du tennis également, qualification de Joe Wilfried Tsonga, Benoît Paire et Gaël Monfils hier pour le second tour de l'US Open. Sinon, c'est l'hécatombe côté français avec les éliminations notamment de Gasquet, Benedetto, Manarino ou encore Alizé Cornet chez les filles. Le ciné ce matin, deux films énergie figurent dans le top 3 du box-office mondial la semaine dernière. Première place pour le dernier Jason Bourne avec le retour de Matt Damon dans le rôle de l'ex-agent secret. En deuxième position, c'est L'Âge de glace, les lois de l'univers. Et puis sur la troisième marche du podium, on retrouve Suicide Squad avec Will Smith et Jared Leto. Les pires méchants du monde de la BD sont réunis sur grand écran. Allez, un petit buzz pour terminer avec un habitué. Julien Doré a dévoilé hier les images de son nouveau clip, celui du single Le Lac. On le voit marcher au bord de l'eau pour rejoindre Pamela Anderson, l'ancienne star de la série Alerta Malibu à la télévision. Un duo plutôt inattendu. Voilà, 6h02, c'est la fin de ce flash. Très bon réveil, bonne matinée. Comme chaque matin, vous trouvez bien sûr Manu dans le 6-9. Et puis nous, on se donne rendez-vous aller dans une petite demi-heure pour le prochain flash. Très bon mardi. On est mardi, c'est le 30 août. Bonjour mardi. Bonjour mardi. Mardi, on peut dire que la semaine a commencé. On peut dire que le week-end est en vue. Ouais. Bah, ouais. On le voit de loin, quoi. Oui, je vous mine là tout de suite en démarrant l'émission. Bah oui, c'est tout ce qu'on demande évidemment à 6h03 d'être miné. On est le 30 août, dans 3 mois. Oh non. C'est Noël. Oh là là. Ouais, c'est vrai. Déjà. Pas mal ça, de se dire ça. On sort de l'été. Ouais. Hey. On va bouffer de la musique de merde. Hein. Non, ça c'est horrible. Ça, c'est le seul problème de Noël, c'est ça. C'est de écouter des musiques en août et que c'est déprimant.

Ça arrive pour vous juste après les infos et on va parler sous-vêtements. Ok. Oui, nous allons ouvrir un grand débat sur les sous-vêtements. J'aurai besoin de toutes les filles de l'équipe pour savoir quels sous-vêtements vous aimez chez les hommes. Ok. Sous-vêtements, sexe. Filles, sous-vêtements. Manu content. Bien sûr, tout ça dans un but uniquement scientifique. Voici les infos tout de suite sur Énergie, les 6h30. Bon réveil. L'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. C'est une très belle journée qui commence pour tout le monde ou presque. Du soleil, du ciel bleu à perte de vue, sauf sur les Alpes et la Côte d'Azur, malheureusement. Grosse dégradation en fait dans le sud-est cet après-midi, puisque les orages vont pointer le bout de leur nez. Au niveau national, en tout cas, le beau temps devrait durer toute la semaine avec pas mal de chaleur. Les températures cet après-midi, justement, 26 degrés au Mans et à Toulon, comptez jusqu'à 27 pour Belfort. La ville reste traumatisée. François Hollande se rendra à Nice d'ici un mois maximum pour rendre un hommage national aux victimes de l'attentat du 14 juillet. La cérémonie aura lieu sur les lieux du drame, au milieu de la promenade des Anglais. Le président de la République a en fait répondu favorablement hier au souhait du collectif des familles. Dans le reste de l'actu, un nouveau patient vient de recevoir un cœur artificiel Carmat. Il s'agit du lancement de la dernière phase d'essai avant la possible mise sur le marché de la prothèse. Elle remplace le cœur humain. Un nouvel iPhone. Apple devrait présenter la dernière version de son smartphone la semaine prochaine. Le carton d'invitation en tout cas a été envoyé hier aux journalistes du monde entier. Rendez-vous maintenant donc le 7 septembre. Du tennis, ça passe pour Joe Wilfried Tsonga et Gaël Monfils à l'US Open. Ils font partie des Français qualifiés hier pour le second tour. Ça a déjà terminé en revanche pour Richard Gasquet ou encore Alizé Cornet chez les filles. On est loin des photos de chats pour les pompiers. Pirelli a dévoilé hier les premiers clichés de son calendrier 2017. Cette année, les stars internationales ont répondu à l'appel. Penelope Cruz, Jessica Chastain, Nicole Kidman, Léa Seydoux. Le shooting a eu lieu pendant plusieurs semaines à New York, Los Angeles, Berlin, Londres notamment, mais aussi au Touquet, à voir donc dès le 29 novembre. Il n'y a pas que dans les classes que cette rentrée s'annonce chargée. Les salles de ciné aussi vont se remplir avec un très beau planning pour les prochaines semaines. Au menu, de l'histoire avec une version dépoussiérée de Ben-Hur, des frissons dans la suite de Blair Witch et surtout du grand spectacle du Far West jusqu'aux étoiles. Morgan Barthélémy. Oui, à commencer par le remake des 7 mercenaires fin septembre. Cette Suicide Squad version western est emmenée par Denzel Washington et l'excellent Chris Pratt des Gardiens de la Galaxie de Marvel. En novembre, l'univers des super-héros s'enrichira d'ailleurs avec le Doctor Strange. Benedict Cumberbatch, fan de méditation et de spiritualité, incarne le maître de la magie noire. Cet automne sera aussi haut en couleur avec une dominante jaune pour Jean Dujardin dans Brise 3 avec énergie. Le roi de la casse traversera le globe le 19 octobre quand les trolls et leur tignasse fluo danseront sur la BO de Justin Timberlake avec les voix de Louane et M. Pokora. Enfin, 2016 s'achèvera avec des voyages jusqu'à la galaxie de Star Wars pour le spin-off Rogue One avec Dark Vador. On remontera aussi le temps avec l'adaptation du jeu Assassin's Creed où Michael Fassbender fera trembler l'Espagne du 15e siècle. Voilà, et autre sortie très attendue pour les fans d'Harry Potter, cette fois les Animaux Fantastiques de J.K. Rowling débarqueront le 16 novembre. Il est 6h33, c'est la fin de ce flash. Bon réveil, très bonne journée sur Energy. Bon mardi. On est là. On est là, on est collants. Oui, ouais. On ne parle jamais. Les potes collent, les suçons. C'est nous. On est de retour après 2 mois de vacances. Soyez les bienvenus sur Énergie. C'est Manu dans le 6-9. Oui, il est 6h34. Il y a Oriane qui est avec moi. Salut. Il y a Nicolas Web. Coucou. Il y a Glanduel, Glandos. Bonjour. On est là avec vous pour démarrer cette journée, pour créer ensemble ce mardi et pour vous envoyer de la bonne humeur dans la face. Voilà ce qu'on a envie de faire. Yes. On va écouter Mademoiselle Merlot. Ça arrive dans 2 minutes. C'est beau, hein. C'est très intense. C'est chaud. C'est fort. Qu'est-ce qui nous arrive? Je sais pas. Avant d'écouter Mademoiselle Merlot, tant qu'on est chaud, on va parler caleçon. Ok. Précisément, sous-vêtements. Écoutez bien. Les hommes, vous allez savoir ce que les femmes pensent de vos sous-vêtements. Ah. Il y a une étude qui a été faite, et c'est pas un petit sondage à la con, une étude sur 1000 femmes. Ok. Une étude sur 1000 femmes qui a montré ce qu'elles aimaient chez nous, en termes de sous-vêtements. Alors attention, écoutez, vous savez quoi? D'abord, j'aimerais que Anka et Marion du Standard viennent. Trompette de ralliement des femmes. Ah, oui. C'est élégant. S'il vous plaît. Bah, j'ai que ça en trompette. Oh, voilà, dis donc. J'ai besoin d'une autre, ça sinon. Ah, mais c'est encore mieux. Ah, ça, c'est vrai. Les femmes, s'il vous plaît. On est là. J'aimerais avoir votre avis, écoutez-moi. Voici les résultats du sondage, ok?

C'est peut-être vous que j'appelle dans 3 minutes, juste après les infos, pour doubler votre salaire. Vous vous inscrivez sur energie.fr ou sur manu69.com. Tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. On parle du beau temps sur la France encore ce mardi, du soleil, du ciel bleu pour tout le monde ou presque. Cet après-midi, ça va se dégrader en fait un petit peu sur les Alpes et la Côte d'Azur, uniquement avec l'arrivée de gros orages dans le sud-est. Donc, les prochains jours se présentent bien également avec une météo estivale au menu. Température assez chaude mais toujours raisonnable, 26 degrés à Sedan et à Gap, 27 à Quimper, 32 pour Avignon. La rentrée des classes pour les élèves, c'est dans 2 jours. La ministre de l'Éducation a présenté hier les principaux chiffres de cette nouvelle QV. Elle a aussi détaillé les avancées de son plan pour fournir gratuitement des contenus pédagogiques aux profs et aux élèves du CM1 à la 3e. Enfin, mauvaise nouvelle pour les chasseurs de Pokémon rares. Les petits personnages du jeu devraient être bannis des établissements et des cours de récré. Cette année, un quart des collèges du pays seront équipés de tablettes ou d'ordinateurs. Une bibliothèque en ligne ouvrira demain. Dans l'actu également, François Hollande présidera un hommage national aux victimes du 14 juillet d'ici un mois maximum. Les familles ont donc été entendues hier. La cérémonie se déroulera à Nice sur la promenade des Anglais, là où le drame a eu lieu. Dans l'actu également, encore une grosse semaine à attendre. Les Apple Addicts sont au courant. La conférence de presse de rentrée de la marque à la pomme aura lieu le 7 septembre à San Francisco, mercredi donc dans une semaine. On devra en savoir plus sur les nouvelles versions de l'Apple Watch et de l'iPhone qui pourraient voir sa prise casque disparaître. On va parler tennis pendant 2 semaines. L'US Open a débuté hier à New York. Bilan mitigé lors de la première journée pour les Français. Ça passe à son souci pour Joe Wilfried Tsonga, Gaël Monfils ou encore Benoît Paire. C'est déjà fini en revanche pour Richard Gasquet, Julien Beneteau ou encore Alizé Cornet chez les filles. Elles ont tout au moins 2 points communs. Léa Seydoux, Jessica Chastain, Nicole Kidman, Penelope Cruz sont actrices. Elles ont posé pour le calendrier Pirelli 2017. Les shootings ont eu lieu dans le monde entier pendant plusieurs semaines à New York, à Los Angeles, à Berlin, mais aussi en France, au Touquet. Les premiers clichés sont à voir aujourd'hui sur Internet avant la sortie officielle du calendrier prévu pour la fin novembre. Julien Doré, toujours aussi bien accompagné. Le chanteur s'est offert les services de Pamela Anderson. L'ancienne star de la série Alerte à Malibu à la télé joue les guest stars de luxe dans son dernier clip, Le Lac. L'album suivra le 14 octobre. Et puis cette fois, il n'a pas voulu faire court. L'ancien héros de Bref sur Canal, Kian Kojandi, joue même les prolongations avec son one-man show. L'humoriste sera sur la scène de l'Européen à Paris à compter du 15 septembre et jusqu'à la fin octobre. Il entamera ensuite une grande tournée à travers toute la France. C'est un spectacle énergie et la billetterie est déjà ouverte. Voilà, 7h03, c'est la fin de ce flash. Bon réveil, bonne matinée. Comme chaque matin, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Et puis nous, on va se donner rendez-vous, aller dans une petite demi-heure pour faire un prochain point sur l'actualité. On va aussi parler de cette belle météo qui nous attend pendant les prochains jours. Ça donne envie de se lever. Bonne journée. Et nous, on est de retour après 2 mois de vacances, c'est mardi, c'est le 30 août 2016. Bonjour à toi, mardi. Bonjour, mardi. Mardi, c'est quasiment le week-end. Ouais, presque. Un peu de loin, mais ça va. Je vous le dis à chaque fois, c'est dans la tête. Ouais. Exactement. Enfin, après, n'allez pas dire à votre patron que c'est dans la tête le week-end et que vous partez, sinon ça peut être compliqué de partir dès le mardi. Votre patron risque de vous dire, si tu pars le mardi, elle ne revient plus. C'est ça. On est là avec vous comme chaque matin, on est de retour. Il y a Oriane qui est là, évidemment. Et je suis contente d'être là. Il y a Nicolas Webb. Salut. Il y a Glandu, El Glandos. Hello. Glandu, qu'on a un petit peu marre qu'on l'appelle Glandu, je crois, Oriane. Oui. Il faut que tu racontes ce qui s'est passé tout à l'heure à la machine à café. C'est tellement mignon. On était à la machine à café et il me parle du fait qu'on le surnomme Glandu. Il me dit, je suis désolée, ça me ressemble pas, je suis pas un Glandu. J'ai cherché dans Google hier ce que voulait dire Glandu. Ça voulait dire flemmard, voire avec un poil dans la main. C'est ça. Et il m'a dit, je comprends pas, on pourrait m'appeler le futé. Ce à quoi j'ai répondu un rire et il m'a dit, je suis hyper cultivée comme gars, on devrait le mettre en avant. C'est vrai. Dès qu'il y a un jeu de société où il y a des questions de culture générale, et je gagne à chaque fois. C'est quoi Glandu? La seule phrase, le seul fait de dire on devrait m'appeler futé, c'est une phrase de Glandu. Ouais. Donc on reste sur Glandu. C'est un petit bonheur. Il m'a dit aussi, j'ai gagné 12 coups de midi sur TF1, je mériterais de m'appeler le futé. C'est vrai. C'est vrai, tu mériterais. Ouais. Mais t'es pas tombé dans la bonne émission. Il est 7h05, on va écouter Alvaro Soler. C'est Sophia, ça arrive pour vous dans 2 minutes, mais avant ça, 7h06 déjà, vite, on double votre salaire. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie, Manu double votre salaire. Energie.fr ou Manu dans le 6-9.com pour vous inscrire, ça prend quelques secondes et je vous le rappelle, c'est totalement gratuit.